Dis quelque chose. Je cherche. Mais dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend Godot. C'est vrai. Est-ce que c'est difficile? Si tu chantais. Non. Non. On n'a qu'à recommencer. Ça ne me semble pas bien difficile, en effet. C'est le départ qui est difficile. On peut partir de n'importe quoi. Oui, mais il faut se décider. C'est vrai. Aide-moi! Je cherche! Quand on cherche, on entend. C'est vrai. Ça empêche de trouver. Voilà. Ça empêche de penser. On pense quand même. Mais non, c'est impossible. C'est ça. Contredisons-nous. Impossible? Tu crois? Nous ne risquons plus de penser. Alors, de quoi nous plaignons-nous? Ce n'est pas le pire de penser. Bien sûr, mais c'est déjà ça. Comment c'est déjà ça? C'est ça! Posons-nous des questions. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est déjà ça. C'est déjà ça, au moins. Évidemment. Alors, si on s'estimait heureux... Ce qui est terrible, c'est d'avoir pensé. Mais cela nous est-il jamais arrivé? D'où viennent tous ces cadavres? Ces ossements. Voilà. Évidemment. On a dû penser un peu... Tout à fait, au commencement. Un charnier. Il n'y a qu'à ne pas regarder. Ça tire l'œil. C'est vrai. Malgré qu'on en ait. Comment? Malgré qu'on en ait. Il faudrait se tourner résolument vers la nature. Oh, nous avons essayé. C'est vrai. Oh, ça n'est pas le pire, bien sûr. Quoi donc? D'avoir pensé. Évidemment. Mais on s'en serait passé. Qu'est-ce que tu veux? Je sais. Je sais. Ce n'était pas si mal, comme petit galop. Oui, mais maintenant, il va falloir trouver autre chose. Voyons. Qu'est-ce que je disais? On pourrait reprendre là. Quand? Tout à fait au début. Au début de quoi? Ce soir, je disais... Ma foi, là, tu m'en demandes. Attends, on s'est embrassés, on était contents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est contents? On attend, voyons, ça vient. On attend maintenant qu'on est contents, on attend. Voyons. L'arbre. Tu te rappelles pas? Je suis fatigué. Regarde. Je ne vois rien. Mais hier soir, il était tout noir et squelettique. Aujourd'hui, il est couvert de feuilles. De feuilles? Dans une seule nuit. On doit être au printemps. Mais dans une seule nuit. Je te dis que nous n'étions pas là hier soir. Tu l'as cauchemardé. Mais où étions-nous hier soir, d'après toi? Je ne sais pas. Ailleurs, dans un autre compartiment. Ce n'est pas le vide qui manque. Bon, nous n'étions pas là hier soir. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait hier soir? Ce que nous avons fait? Essaie de te rappeler. Eh ben, nous avons dû bavarder. À propos de quoi? Oh, à bâton rompu. Peut-être à propos de bottes. Voilà, je me rappelle. Hier soir, nous avons bavardé à propos de bottes. Il y a un demi-siècle que ça dure. Tu ne te rappelles aucun fait, aucune circonstance. Ne me tourmente pas, Didier. Le soleil, la lune, tu ne te rappelles pas. Il devait être là, comme d'habitude. Tu n'as rien remarqué d'insolite. Hélas. Et Pozzo et Lucky? Pozzo. Les os. On aurait dit des arêtes. C'est Pozzo qui te les a donnés. Je ne sais pas. Et le coup de pied? Le coup de pied, c'est vrai, on m'a donné des coups de pied. C'est Lucky qui te les a donnés. C'était hier, tout ça? Fais voir ta jambe. Laquelle? Les deux. Relève ton pantalon. Relève ton pantalon. Je ne peux pas. L'autre, je te dis. Voilà la plaie en train de s'infecter. Et après? Où sont tes chaussures? J'ai dû les jeter. Quand? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne me rappelle pas. Non, je veux dire, pourquoi tu les as achetées? Elles me faisaient mal. Les voilà à l'endroit même où tu les as posées hier soir. Ce sont pas les miennes. Pas les tiennes? Les miennes étaient noires, celles-ci sont jaunes. T'es sûr que les tiennes étaient noires? C'est-à-dire qu'elles étaient grises. Mais celles-ci sont jaunes. Fais voir. Bah enfin, elles sont verdâtres. Fais voir. Ah, ça alors? Tu vois, tout ça, c'est des... Je vois ce que c'est. Oui, je vois ce qui s'est passé. Tout ça, c'est des... C'est simple comme bonjour, un type est venu qui a pris les tiennes et t'a laissé les siennes. Pourquoi? Les siennes ne lui allaient pas, alors il a pris les tiennes. Mais les miennes étaient trop petites. Pour toi, pas pour lui. Je suis fatigué. Allons-nous-en. On ne peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Alors, comment faire? Il n'y a rien à faire. Mais moi, je n'en peux plus. Veux-tu un radis? C'est tout ce qu'il y a? Il y a des radis et des navets. Il n'y a plus de carottes? Non, d'ailleurs, tu exagères avec les carottes. Alors donne-moi un radis. Il est noir. C'est un radis. Je n'aime que les roses. Tu le sais bien. Alors, tu n'en veux pas? Je n'aime que les roses. Alors, rends-le-moi. Je vais chercher une carotte. Ceci devient vraiment insignifiant. Pas encore assez. Si tu les essayais. J'ai tout essayé. Non, je veux dire les chaussures. Tu crois? Ça fera passer le temps. Je t'assure, ce sera une diversion. Un délassement. Une distraction. Un délassement. Essaye. Tu m'aideras? Bien sûr. On ne se débrouille pas trop mal, hein, Lily? Tous les deux ensemble. Mais oui, mais oui. Allez, on va essayer la gauche d'abord. Non, on trouve toujours quelque chose, hein, Lily, pour nous donner l'impression d'exister. Mais oui, on est des magiciens. Mais ne nous laissons pas détourner de ce que nous avons résolu. Viens, donne ton pied. L'autre. Pas. Plus haut. Essaie de marcher. Alors, elle me va. On va la lasser. Ah non, non, pas de lasser, pas de lasser. Tu as tort. Essayons l'autre. Alors? Elle me va aussi. Elles te font pas mal? Pas encore. Alors tu peux les garder? Elles sont trop grandes. Tu auras peut-être des chaussettes un jour. C'est vrai. Alors tu les gardes? Assez parlé de ces chaussures. Et oui, mais... Assez. Je vais quand même m'asseoir. C'est là où tu étais assis hier soir. Si je pouvais dormir... Hier soir, tu as dormi. Je vais essayer. Attends. Do, do, l'enfant... Pas do. Si fort. Do, do... l'enfant dormira bien vite. Do, do, l'enfant...